إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad, chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 27, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a abordé un sujet très important qui est an-nushra, qui désigne le fait de retirer un sort. On a vu dans des chapitres précédents le jugement de la sorcellerie, que ceci est interdit dans la religion de l'islam car cela relève du polythéisme majeur et que son auteur sort de la religion de l'islam. Mais étant donné que ce mal est présent et que la sorcellerie, comme on a dit, est une réalité et qu'elle a un effet sur les corps, sur les cœurs, sur la raison, alors inévitablement, il y aura des gens qui seront touchés par celle-ci, qui seront éprouvés par la sorcellerie et en souffriront. Et comme toute autre maladie, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu pour celle-ci un remède. Car Allah subhanahu wa ta'ala a descendu pour chaque maladie son remède. Il est donc nécessaire pour nous de savoir quels sont les remèdes auxquels il est permis d'avoir recours dans cette situation. Car il y a des remèdes qui sont permis, qui sont légiférés, et il y a d'autres remèdes qui sont interdits et qui portent atteinte à la croyance, et auxquels il n'est pas permis d'avoir recours. Donc nous avons besoin de savoir quels sont les bons remèdes auxquels il nous est permis d'avoir recours, et quels sont les mauvais remèdes desquels nous devons nous éloigner. Donc, an-nushra, en arabe, cela signifie la division. Et cela désigne le fait de retirer le sort de celui qui en est atteint, de défaire la sorcellerie, ou en d'autres termes, de le désenvoûter. C'est donc une sorte de remède qui permet de dissiper la maladie. Et il y a des remèdes qui sont permis et d'autres qui sont interdits. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné différents textes à ce sujet. Il dit tout d'abord, d'après Jabir radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de an-nushra. Il a alors dit, ceci fait partie de l'œuvre du diable. Donc la an-nushra dont il est question ici dans ce hadith, c'est celle qui était connue au temps de la jahiliya, avant l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a décrit dans ce hadith comme étant l'œuvre du diable, et ce car elle relève de la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est l'œuvre du diable, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Elle désigne donc ici le fait de retirer le sort par un autre sort, et cela est donc interdit. Il nous mentionne ensuite la parole de Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des élèves de l'imam Ahmed, et qui a rapporté beaucoup de ses réponses sur différents sujets. Il dit que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a été interrogé au sujet de an-nushra, afin de savoir quel est son jugement. Il a alors répondu, Ibn Mas'ud, c'est-à-dire le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, réprouvait tout cela. Et ce qui est visé par la réprobation ici, c'est l'interdiction. Car c'est ce que les prédécesseurs visaient par ce terme. Donc, Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, réprouvait tout cela, c'est-à-dire, c'est la an-nushra du temps de la jahiliya, qui, comme on a dit, consiste à retirer le sort par un autre sort. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, et dans Al-Bukhari, c'est-à-dire dans l'authentique d'Al-Bukhari, Qatada a dit, Qatada, qui est un des grands savants des tabi'in, la génération suivante, celle des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il a dit, j'ai dit à Ibn al-Musayyab, c'est-à-dire Sa'id ibn al-Musayyab, qui est lui également un des très grands savants des tabi'in, et qui est le shaykh de Qatada. Qatada l'a donc interrogé et lui a dit, un homme est atteint par la sorcellerie ou ne peut pas s'approcher de sa femme, c'est-à-dire ne peut pas avoir de rapport avec celle-ci. Lui est-il permis de défaire ce sort ou de pratiquer an-nushra? Alors Ibn al-Musayyab lui répondit, il n'y a pas de mal en cela, ils ne veulent par cela que le bien, et ce qui est profitable n'est pas interdit. Donc on voit qu'Ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, il a ici permis de défaire le sort. Et il a mentionné la raison qui est le fait que ce qui est profitable n'est pas interdit. On comprend donc de ces différents textes qu'il y a différentes sortes de nushra, qu'il y a différentes manières de défaire le sort. Une manière qui est interdite, et une manière qui est permise, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Il dit ensuite, et il est rapporté d'Al-Hassan, qu'il a dit, le sort ne peut être défait que par un sorcier. Et ce qui est visé par cela, c'est qu'en dehors des moyens légiférés de défaire un sort, la seule solution qu'il y a, c'est qu'il soit défait par un sorcier, c'est-à-dire par un autre sort. Mais cela fait partie des œuvres du diable, auxquelles il n'est pas permis d'avoir recours. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui est très claire à ce sujet. Il dit donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit, « An-Nushra désigne le fait de défaire le sort de celui qui en est atteint. » Et elle est de deux sortes. Défaire le sort par un sort semblable. Et ceci est ce qui est l'œuvre du diable. Et c'est comme cela que l'on doit comprendre la parole d'Al-Hassan. Donc, cette première Nushra, c'est celle qui est interdite, car elle a lieu en ayant recours au diable, et elle relève en réalité de la sorcellerie. Il dit, rahimahullah, celui qui la pratique et celui sur qui elle est pratiquée se rapproche du diable par ce qu'il souhaite. Le diable annule alors son œuvre sur celui qui est atteint de la sorcellerie. C'est-à-dire que celui qui pratique cette sorte de nushra, il va en réalité pratiquer la sorcellerie. Donc ce sorcier et celui pour qui la nushra est pratiquée, c'est-à-dire le malade, ils vont se rapprocher du diable par ce qu'ils souhaitent. Ils vont se soumettre à lui. Ils vont lui obéir et commettre ce qu'il leur demande comme forme de polythéisme et de mécréance. Suite à cela, le diable va alors annuler son œuvre. Car le sort, à la base, il fait partie de l'œuvre du diable. Il va donc annuler ce qu'il a fait. Mais il ne l'annule pas sans rien en retour. Il l'annule en retour de la corruption, de la croyance du malade et du sorcier. Et c'est ce qui a lieu notamment chez certains charlatans qui prétendent être des guérisseurs et qui vont demander au malade, par exemple, « Si tu souhaites guérir, alors il est nécessaire que tu sacrifies une bête et que tu la jettes dans tel puits, ou alors que tu la jettes à la mer, ou autre chose semblable. » De cette manière, le malade aura commis du polythéisme majeur, il aura sacrifié pour les démons. Alors le diable va venir annuler son sort, car il aura atteint son objectif le plus grand qui est de détourner les gens de la croyance authentique et de les faire sortir de la religion de l'islam. Et il n'y a pas de doute que ceci est interdit. Il n'est donc pas permis pour celui qui est atteint par la sorcellerie de se rendre auprès d'un sorcier, car s'il se rend auprès du sorcier, il va alors se rapprocher du diable, commettre différentes formes de polythéisme et de mécréance majeure qui le feront sortir de la religion de l'islam. Il se peut qu'il obtiendra ce qu'il recherchait, que le diable annule son œuvre, que le sort soit défait, mais à quoi lui servira de ne plus être atteint par ce mal s'il a corrompu sa croyance et qu'il est sorti de la religion de l'islam, faisant ainsi partie des perdants ici-bas et dans l'au-delà? Il n'y a pas de doute qu'en réalité, il sera tombé dans une calamité encore plus grande. Et qu'être malade, tout en étant sur le tawhid et la croyance authentique, est bien meilleur que d'être en bonne santé après être sorti de l'islam. Donc cette nushra, c'est celle qui est interdite. Il n'est donc pas permis pour le musulman de se rendre chez un sorcier pour lui demander de défaire un sort. Ensuite, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, et la deuxième, c'est la nushra par la ruqya, les demandes de protection et les remèdes et les invocations permises. Et ceci est licite. Donc le deuxième type de nushra, deuxième moyen de défaire un sort, c'est d'avoir recours aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permises et légiférées pour nous. La première manière, c'est de défaire le sort par la ruqya, en lisant sur la personne malade des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne demande pas une grande connaissance, mais il suffit par exemple de lui réciter surat al-Fatiha, qui est la meilleure et la plus immense des ruqya. Et s'il a la capacité de le faire lui-même, qu'il a sa raison, alors il récite surat al-Fatiha sur lui-même avec l'intention de se soigner de ce mal et d'obtenir la guérison de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, les gens de science ont mentionné qu'il est légiféré dans cette situation de lire les versets qui ont un lien avec la sorcellerie et son annulation, comme par exemple les versets 117 à 122 de surat al-A'raf, les versets 81 et 82 de surat Yunus, les versets 69 et 70 de surat Taha. Quels sont les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du récit de Moussa alayhi salam avec les sorciers? Donc tous ces versets, ils sont récités sur celui qui est malade, d'un cœur présent tout en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en ayant une bonne opinion vis-à-vis de lui. Tout en ayant la ferme conviction que la guérison ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance, elle doit se retrouver chez le raqi, chez celui qui pratique la ruqya, et chez le malade sur qui elle est pratiquée. Il est obligatoire que le malade ait la ferme conviction que la guérison provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne pense pas que c'est le raqi qui va le guérir, car ceci est une croyance corrompue. En effet, il y a certaines personnes qui pensent que la ruqya ne peut être profitable que si elle est pratiquée par telle ou telle personne. Celui-ci, lorsqu'il pratique la ruqya, elle est profitable. Il n'y a que sa ruqya qui pourrait me guérir. Et ceci sont des paroles très graves. Mais le malade, il doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir la ferme conviction que la guérison provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il place donc sa confiance en Allah, s'en remet à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, garde une bonne opinion de son Seigneur et fait les causes légiférées comme la lecture de ces versets du Coran, qu'il le fasse lui-même ou qu'il fasse appel si nécessaire à un raqi ou une personne qui lui lira le Coran avec l'intention qu'il obtienne la guérison de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième manière qu'il nous mentionne Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ici, c'est les formules de demande de protection, c'est-à-dire les invocations qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « U'iduka bi kalimati Allahi tammat min sharri ma khalaq »« Je te place sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. « Allahumma rabban nas » اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Ô Allah, Seigneur des hommes, fais partir le mal, guéris, car c'est toi celui qui guéris, et il n'y a pas de guérison en dehors de la tienne. Guéris donc d'une guérison qui ne laisse aucune trace de la maladie. Et autre parmi les invocations authentiques qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Enfin, la troisième chose qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionnée, ce sont les remèdes et les invocations permises. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses auxquelles on peut avoir recours, comme cela est connu par ceux qui ont des connaissances à ce sujet parmi les gens à la croyance authentique. Comme par exemple en ayant recours à la hijama, ou alors le fait de manger certaines choses ou de consommer certaines choses afin d'expulser le sort qui aurait pu être mangé, et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent être pratiquées. À condition que celles-ci ne contiennent aucun interdit, et que la personne ait la ferme conviction que ceci ne sont que des causes, et que la guérison ne provient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc pour résumer, an-nushra, le fait de défaire le sort, cela peut avoir lieu de deux manières. La première manière qui est interdite, qui est d'avoir recours au sorcier, afin qu'il défasse le sort par un autre sort, et ceci est formellement interdit. Et la deuxième manière, comme vous l'avez entendu, par la ruqya, les invocations, et autre chose parmi les causes permises. Tout en sachant que pour cette nushra, qui est légiférée et qui est permise, en ce qui concerne la ruqya et ce qui s'ensuit, il est indispensable que ne s'en charge qu'une personne dont on a confiance concernant sa science et sa religion. Non pas à un inconnu, dont on ignore la situation, ni à une personne qui a des intérêts mondains derrière cela, comme ceux qui ont fait de la ruqya un métier. Jusqu'à en ouvrir des cliniques de ruqya ou autre chose semblable, qui sont des choses que nos savants ont réprouvées. D'autant plus que se cachent souvent derrière ces personnes des charlatans qui se font passer pour des guérisseurs ou pour des gens pratiquant la ruqya, mais qui sont en réalité des sorciers qui cherchent à corrompre la croyance des musulmans et les écarter de la vérité. Wallah al-musta'an. On a donc terminé avec ce chapitre concernant les remèdes de la sorcellerie. On a vu que le point le plus important concernant celui qui est atteint par ce mal est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le lien que le malade a avec son Seigneur est la cause la plus importante qui lui permettra d'atteindre la guérison. Et entre dans cela le fait que le malade soit assidu à ses obligations, qu'il accomplisse ses 5 prières quotidiennes, et également qu'il multiplie les œuvres de bien comme les prières surrogatoires et notamment la lecture du Coran et la prononciation des formules de rappel légiférées, notamment celles du matin et du soir, ainsi que celles avant de dormir, celles après les prières, et ainsi de suite. Car c'est ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui permettra de cheminer sur le droit chemin et de faire de cette épreuve un bien pour lui ici-bas et dans l'au-delà. Il se peut que cette épreuve soit la cause de son retour à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'après être atteint de cette sorcellerie, il soit plus assidu à ses prières, plus assidu à la lecture du Coran, et qu'une fois guéri, ceci devienne pour lui une habitude, et qu'il ne cesse d'évoluer dans le bien. Et si telle est la situation, alors cette épreuve sera en réalité un bien pour lui. Quant à celui qui, une fois malade, ne fait que se lamenter, se plaindre, délaisser ses obligations, continuer de se rendre dans des endroits de perversion, continue de faire des péchés, alors il n'y a pas de doute que celui-ci est beaucoup plus loin de la guérison. Il est donc important pour la personne de maintenir son lien avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses obligations, en les faisant suivre d'œuvres de bien, la rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai donné une conférence sur ce sujet, intitulée « Conseils aux personnes atteintes par la sorcellerie » et vous pouvez la retrouver sur le site inshallah ta'ala. Il nous reste du temps aujourd'hui, on va donc passer au chapitre suivant, bi'inillahi ta'ala. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé le 28e chapitre, chapitre au sujet de ce qui est rapporté concernant les augures, c'est-à-dire concernant ce qui est rapporté comme menace à ce sujet, et l'exposé du fait que ceci est une des formes de polythéiste et une croyance erronée portant atteinte à la croyance du tawhid. Et les augures, cela désigne l'idée pessimiste que la personne se fait de l'avenir d'après certains signes, c'est-à-dire que la vue de certaines choses lui fait penser qu'il va lui arriver un mal, qu'il va être touché par un malheur ou autre chose semblable. Et ceci à la base était une chose répandue au temps de la Jahiliya. Ils auguraient beaucoup à la vue des oiseaux. Si par exemple s'ils voyaient un oiseau voler d'une certaine manière, ils étaient pessimistes et pensaient qu'un mal allait les toucher. Il se peut même que certains parmi eux délaissaient ce qu'ils souhaitaient entreprendre comme voyage ou comme affaire ou comme projet simplement en raison de la vue d'un oiseau. Parce que tel oiseau est passé devant lui et qu'il a volé de telle manière, alors il faisait demi-tour et délaissait son voyage. Donc au départ, cette croyance n'était présente qu'avec les oiseaux. Puis après cela, elle s'est généralisée. Et ils ont commencé à augurer avec différentes choses, comme par exemple avec certains lieux, ou même avec certaines personnes. Par exemple, le fait de voir une personne atteinte d'une malformation. Également, ils ont commencé à augurer avec d'autres animaux, comme en voyant un animal qui boite, ou alors un chat noir, comme cela est répandu aujourd'hui. Et ainsi de suite, parmi les différentes croyances. Ceci est donc une croyance de la Jahiliya qui était présente à leur époque et qui est aujourd'hui encore présente, comme on le retrouve chez nombre de personnes qui pensent que telle ou telle chose porte malheur ou laisse présager un mal. Comme on a dit, comme le fait de voir un chat noir, ou alors ils pensent que le 13e jour du mois est un jour mauvais, ou alors s'il va dans un hôtel, il refusera d'être dans la chambre numéro 13, ou dans l'avion, il refusera d'être à la place numéro 13. Et ainsi de suite parmi les croyances erronées. Et ces croyances, elles étaient présentes chez les communautés précédentes comme chez le peuple de Pharaon, qui eux croyaient en la mauvaise augure de Moussa alayhi salam et de ceux qui le suivaient parmi les croyants. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné à ce sujet le verset 131 de Surat al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ala innama ta'iruhum inda Allah » En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Au début de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Lorsque leur vient un bien, ils disent ceci nous est dû. Lorsque leur vient un bien, c'est-à-dire lorsque la pluie tombe, que les plantations poussent, ils disent que cela leur est dû. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas que ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils attribuent ce bien à leur propre personne, en pensant que c'est un dû et qu'ils le méritent. Et lorsque un mal les atteint, c'est-à-dire lorsque le venait la sécheresse, qu'il n'y avait pas de pluie, que les plantations ne poussaient pas, alors ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. Allah subhanahu wa ta'ala a donc réfuté cette croyance et a dit, selon le sens, en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. C'est-à-dire que ce qui les atteint comme bien et comme mal, tout ceci est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas en raison de Moussa alayhi salam et des croyants qui sont avec lui. Au contraire, Ce sont leurs péchés et leurs mécréances qui sont la cause du mal qui les atteint. Quant à Moussa alayhi salam et aux croyants, ils sont la cause du bien, inshallah ta'ala. Car les messagers alayhi salat wa salam, ils sont venus apporter le bien et la réforme sur la terre. Et ce, par leurs nombreux actes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans le verset 96 de surat al-A'raf, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants des cités avaient cru et fait preuve de piété, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti, nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Donc les croyants, ils sont la cause du bien. Ils ne sont pas la cause du mal, comme le pensaient les gens de la Jahiliyyah. Mais la cause du mal, ce sont ceux qui commettent des péchés, et d'autant plus ceux qui commettent du shirk, qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, et commettent différentes sortes de mécréances. Toutes les catastrophes qui touchent les hommes sur terre, toutes les calamités par lesquelles ils sont atteints, la cause de tout cela, ce sont le polythéisme, la mécréance et les péchés. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Et aucune calamité ne vous atteint si ce n'est en raison de ce que vos mains ont commis, c'est-à-dire en raison de nos péchés. Et tout le bien qui nous atteint ici-bas, ceci est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa cause, ce sont les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéissent. Non pas comme le pensaient les gens de la Jahiliyyah, que les croyants sont de mauvais augure. Et de la même manière, ont agi les gens du village dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans surat Yassin. Lorsque leurs messagers sont venus à eux, leur ont dit qu'ils étaient des messagers de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils les ont démentis et ont dit qu'ils n'étaient que des hommes comme eux, que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait rien envoyé et qu'ils n'étaient que des menteurs. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit ensuite? قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Nous voyons en vous un mauvais présage, un mauvais augure. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Ils ont donc menacé leurs messagers, alayhi salat wa salam. Ils ont dit, nous ne voyons en vous que le mal. Ils ont rejeté leur message. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu par le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, qui est le verset 19 de surat Yassin. « قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. » Ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce en raison du fait que l'on vous fasse le rappel? Mais vous êtes vraiment des gens outranciers. Votre mauvais présage est avec vous-même, c'est-à-dire que ce qui vous atteint comme mal, c'est vous-même la cause. Car la cause, ce sont vos péchés et vos actes de désobéissance, votre mécréance et votre polythéisme. C'est donc vous la cause du mal qui vous atteint. Quant à nous, c'est-à-dire les messagers, alayhi salatu wassalam, nous sommes la cause du bien, car nous sommes des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes venus avec un message. Si vous nous obéissez, vous obtiendrez le bien, ici-bas et dans l'au-delà. Ceci est donc une réfutation de cette croyance erronée sur laquelle ils étaient. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset, selon le sens, « Est-ce en raison du fait que l'on vous fasse le rappel » C'est-à-dire du fait que nous sommes venus à vous avec ce message, en vous appelant au bien, en vous appelant à ce qui comporte pour vous le bien ici-bas et dans l'au-delà. Nous vous appelons à la réforme, nous appelons aux bonnes valeurs morales, et vous, vous agissez ainsi et pensez que nous voulons pour vous le mal. Mais vous êtes vraiment des gens outranciers, des gens qui dépassent les limites. Il n'y a pas de doute que la mécréance et le polythéisme fait partie des plus grandes formes de dépassement des limites. Et de la même manière ont agi les polythéistes au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous pouvez le voir dans le verset 78 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. » Lorsqu'un bien les atteint, ils disent « ceci provient d'Allah ». « وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ. » Mais lorsqu'un mal les atteint, ils disent « ceci provient de toi ». C'est-à-dire « c'est à cause de toi ». Ils s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre en disant « قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. » Dit « tout provient d'Allah ». C'est-à-dire le bien et le mal, ils sont décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui vous atteint ici-bas fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, on tire de ces versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, que la croyance aux augures, cela fait partie des habitudes des gens de la Jahiliya, et que cela fait donc partie des choses que le croyant doit délaisser. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné quelques hadiths à ce sujet. Il a dit, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas d'augure, pas même dans le hibou, ni dans le mois de Safar. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Il n'y a pas de contagion. Ce qui est visé par la contagion, comme vous le savez, c'est que la maladie soit transmise d'une personne à une autre, ou alors d'un animal à un autre, ou d'un endroit à un autre. Et la maladie, effectivement, il est possible qu'elle soit contaminante de sorte à se propager, comme nous l'observons aujourd'hui avec cette épidémie que nous vivons. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit il n'y a pas de contagion, il n'a pas nié le fait qu'une maladie puisse effectivement être contaminante et se propager d'une personne à une autre jusqu'à se propager d'un pays à un autre, ainsi de suite. Mais ce qu'il a nié, c'est une croyance qu'avaient les gens de la Jahiliya, et qui est que la maladie, elle se transmet d'elle-même, sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une croyance erronée. Effectivement, il est possible que lorsqu'une personne en bonne santé côtoie un malade, elle soit atteinte ensuite par cette maladie, si cette maladie est une maladie contagieuse. Mais ceci est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est possible que tu côtoies un malade et que tu ne sois pas atteint par cette maladie. Il est possible que tu te rendes dans un lieu où il y a des malades et que tu n'aies rien. Tout comme il est possible que tu t'y rendes et que tu sois atteint par cette maladie. Car tout ceci n'a lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, cette maladie se transmet. Si Allah veut, elle ne se transmet pas. Il se peut que deux personnes se rendent dans un même lieu et que l'une soit atteinte et l'autre non. Il se peut qu'une personne fasse les causes pour se préserver, qu'elle soit atteinte, et qu'une autre en fasse moins et ne soit pas atteinte. Car tout ceci n'a lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les médecins eux-mêmes reconnaissent que nombre de choses à ce sujet sont inexplicables et leur sont inconnues. Ils sont incapables d'expliquer pourquoi une maladie peut disparaître du jour au lendemain. Ils sont incapables d'expliquer pourquoi une maladie peut atteindre plus de personnes dans un lieu que dans un autre. Car tout ceci relève de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de la Jahiliya, ils ne faisaient pas cette distinction. Ils disaient, toute personne qui atteint un malade, elle sera obligatoirement malade. Car ils ne croyaient pas au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié dans ce hadith. Ensuite, il a dit, il n'y a pas d'augure. Et ici, le sens de il n'y a pas d'augure, c'est-à-dire, ne croyez pas aux augures. Car il se peut que la personne ressente certaines choses liées aux augures dans son cœur, mais qu'elle n'en tienne pas compte, et continue d'avancer dans ses projets, en raison de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et de sa confiance en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Contrairement à celui qui est à la fois faible, et qui est touché par le pessimisme et la croyance aux augures, alors il se peut que lorsque ceci l'atteint, il délaisse ce qu'il souhaitait entreprendre. Et ceci provient d'un manquement dans la croyance, et d'une faiblesse de foi, et notamment d'une faiblesse dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'une personne voit une chose qui lui laisse penser qu'un mal va lui arriver, comme par exemple cela arrive à certaines personnes, il va pour prendre la route pour un voyage et il voit un accident. Alors tout de suite il est pessimiste et pense qu'il y a un mal derrière ce voyage. Il pense que ceci est un mauvais présage. Il fait demi-tour. Et ceci s'oppose à la croyance authentique. Le fait que cette idée te vienne, tu n'as pas de péché en cela. Mais ce qui est attendu du croyant dans cette situation, c'est de repousser cette pensée, de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de continuer ce qu'il était en train d'entreprendre, notamment dans cet exemple, le voyage. Il continue, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver et il ne tient pas compte de ses pensées. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, il n'y a pas d'hibou, que j'ai traduit pas même dans les hiboux, c'est-à-dire il n'y a pas de mauvais augure dans l'oiseau qui s'appelle le hibou. Et ce car les Arabes, ils auguraient au sujet de cet oiseau. Si un de ces oiseaux se posait sur la maison d'un d'entre eux, ils pensaient que ceci annonçait sa mort ou la mort d'un de ses proches ou de quelqu'un de sa famille. Ils disaient, celui-ci ne vient qu'avec le malheur ou la destruction. Donc ceci également fait partie des croyances erronées qui s'opposent au tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, ni dans le mois de Safar, le mois de Safar qui est le deuxième mois de l'année hégirienne. Et les gens de la Jahiliya, ils pensaient que ce mois était de mauvais présages. Par conséquence, ils ne faisaient pas de voyage durant ce mois. Ils ne se mariaient pas durant ce mois, ils n'entreprenaient pas de commerce durant ce mois, car ils pensaient que c'était un mois mauvais. comme certaines personnes peuvent le faire aujourd'hui avec le 13e jour du mois ou le vendredi 13, et ainsi de suite. Et tout ceci sont des croyances qui s'opposent au tawhid et que le croyant se doit de délaisser. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et Muslim a rajouté, c'est-à-dire que Muslim, rahimahullah, il a rapporté le même hadith avec un ajout qui est, et il n'y a pas d'astre, c'est-à-dire d'astre qui a de l'influence, ni de goule. Ce qui est visé par les astres, ce sont les étoiles. Et donc, comme on l'a vu dans un cours précédent, les gens de la Jahiliya, ils avaient des croyances concernant l'influence des étoiles sur les événements qui se produisent sur Terre. Et notamment, ils pensaient que la descente de la pluie ou la venue des vents était causée par les étoiles. Ils attribuaient donc à telle étoile la descente de la pluie, à telle étoile la venue du vent, et ainsi de suite. Et ceci fait partie des croyances erronées des gens de la Jahiliya. Car le vent et la descente de la pluie ne se produisent que par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à ces étoiles et ces astres, ils ne produisent pas la pluie, ils ne produisent pas le vent. Mais il se peut que le temps de la présence d'un astre corresponde avec le temps habituel de la descente de la pluie. Mais cette pluie ne descendra que par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'elle ne descende pas. Comme par exemple, c'est le cas en hiver, c'est le temps de la descente de la neige, le temps du froid. Mais si Allah veut, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de froid. Et on verra plus de détails à ce sujet lors du chapitre sur l'astrologie, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a rapporté un hadith à ce sujet. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « il n'y a pas de goule », que l'on pourrait traduire aussi « il n'y a pas d'ogre ». Et ce qui est visé par cela, ce sont les démons qui se représentaient à l'homme sous des formes effrayantes, notamment lorsque la personne se trouvait seule lors d'un voyage. Il venait alors à l'homme pour l'effrayer et l'égarer de son chemin. Ou alors il se peut qu'il voyait des flammes devant lui se déplacer, ou qu'il entende des sons effrayants, et autres choses semblables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que lorsque cela arrive, de s'empresser de faire l'adhan. Et ce car le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala fait fuir les démons. Lorsque tu lis le Coran, que tu fais l'adhan, l'appel à la prière, que tu prononces le rappel d'Allah, alors ceci fera fuir les démons et les empêchera de te nuire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nié cela dans ce hadith, dans le sens où ces démons, ils ne peuvent pas nuire à la personne si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a indiqué un remède très efficace qui est le rappel d'Allah. Le simple fait de faire l'adhan les fait fuir et les fait disparaître. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce hadith dans ce chapitre du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans celui-ci la croyance aux augures. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et il rapporte tous deux, c'est-à-dire al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Anas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de contagion ni d'augure et l'optimisme me plaît. Les compagnons ont alors dit, et qu'est-ce que l'optimisme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, la bonne parole. Donc en ce qui concerne la première phrase du hadith, on l'a déjà expliqué dans le hadith précédent. Il n'y a pas de contagion, et il n'y a pas d'augure, on a expliqué ce que cela signifiait. On va donc directement passer à la phrase suivante, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'optimisme me plaît. L'optimisme, c'est le fait d'avoir des bonnes pensées quant à l'avenir, d'espérer le bien. C'est donc le contraire de la croyance aux augures, qui correspond au pessimisme et de voir sans cesse le mauvais côté des choses. Donc le fait d'espérer le bien, c'est une chose qui est attendue du croyant. Quant à la croyance aux augures, elle est interdite car elle revient à avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'optimisme, il revient à avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala agit envers son serviteur selon l'opinion qu'il se fait de lui. Il est donc demandé du croyant de sans cesse avoir une bonne opinion de son Seigneur, d'espérer le bien, de ne pas sans cesse voir le mauvais côté des choses. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont donc interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'optimisme, et il répondit, c'est la bonne parole. Et ce car, lorsque tu es en difficulté, que tu es touché par un malheur, ou alors que tu es hésitant sur le fait d'entreprendre ou non un projet, et que tu entends une bonne parole, quelqu'un te rassure, te dit de ne pas t'inquiéter, alors ta poitrine, elle s'apaise à l'écoute de cette bonne parole. Tu as ensuite une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est une bonne chose. Et c'est pour cela que l'optimisme plaisait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il entendait une bonne parole, ou lorsqu'il entendait un bon nom, ou qu'il passait par un bon endroit, sa poitrine s'apaisait sallallahu alayhi wa sallam, et ceci fait partie de la bonne opinion que le croyant doit avoir envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a mentionné d'autres hadiths et il a dit. Et Abu Dawood, rahimahullah, rapporte d'une chaîne de transmission authentique, d'après Uqba ibn Amir, radiyallahu ta'ala anhu, que la croyance aux augures a été mentionnée auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors, la meilleure des augures est l'optimisme. Et l'augure ne dissuade pas le musulman. La meilleure des augures est l'optimisme, comme on le vient de le dire. Le mieux pour le croyant, c'est d'avoir une bonne opinion de son Seigneur, d'espérer le bien, de ne pas penser sans cesse aux mauvaises choses qui pourraient se produire, mais de penser au bien qui pourrait se produire et aux bonnes choses qui peuvent arriver. C'est cela qui est demandé. Et l'augure ne dissuade pas le musulman, c'est-à-dire que si une idée te vient en tête, malgré cela, cela ne va pas te dissuader de continuer sur le projet que tu as entrepris, que ce soit un voyage, un commerce ou autre. Contrairement au mécréant qui, lui, est dissuadé par les augures. Car il est sans cesse dans l'inquiétude, la crainte, le pessimisme et la mauvaise opinion vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le simple fait de voir un animal, ou de voir un accident, ou de voir une personne infirme ou avec une malformation, cela va le détourner de ses projets. Il va abandonner ses voyages, abandonner ses affaires, ainsi de suite. Mais le musulman, l'augure, elle ne le dissuade pas. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un remède et il dit « Et si l'un d'entre vous voit une chose qu'il répugne, tu vois une chose qui te laisse présager le mal. Tu te détournes de cette pensée et tu dis « Allahumma la yati bil hasanat illa ant, wa la yadfa'u sayyi'at illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah. » Oh Allah, nul ne vient avec le bien si ce n'est toi, et nul ne repousse le mal si ce n'est toi, et il n'y a de changement et de force que par toi. On va revenir sur cette invocation à la fin du chapitre, inshallah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, attribue la parole suivante au prophète. L'augure est du polythéisme. L'augure est du polythéisme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc répété cette parole à deux reprises, afin d'attirer notre attention sur le fait que l'augure relève du polythéisme, et qu'il ne faut pas penser que la vue de certaines choses a une influence sur le bien ou le mal qui peut atteindre. Ceci fait donc partie des croyances qui s'opposent au tawhid. Ensuite, il est dit dans ce hadith, et comme l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné, At-Tirmidhi a attribué cette parole à Ibn Mas'ud, c'est-à-dire la deuxième phrase. Et personne parmi nous n'en est épargné, mais Allah dissipe cela par le tawakkul. C'est-à-dire que personne parmi nous n'est épargné d'avoir ses pensées en soi. Il se peut que lorsque tu vois une chose que tu répugnes, tu penses au mal, tu crains qu'un mal t'atteigne, ou autre chose semblable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dissipe cela par quoi? Par le tawakkul. Tu n'as donc pas de péché pour cette pensée. Mais tu auras un péché si tu agis en conséquence de cette pensée. C'est-à-dire que par exemple, tu délaisses ton voyage, tu délaisses ton affaire, tu délaisses ton projet, ainsi de suite. Mais si tu n'en tiens pas compte, que tu rejettes cette pensée, que tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu continues ce que tu avais entrepris, alors dans ce cas-là, tu n'as pas de péché, inshallah ta'ala. Donc le remède à cela, c'est quoi? C'est de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais cela, ce qu'il y a en toi ne te nuira pas, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, et Ahmed rapporte dans le hadith d'Ibn Amr, celui qui se laisse détourner de son objectif par l'augure a certes fait du polythéisme. Celui qui se laisse détourner de son objectif par l'augure a certes fait du polythéisme. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc mentionné de ce hadith pour nous démontrer que cette croyance relève du shirk et qu'elle s'oppose au tawhid. Après cela, ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est donc l'expiation de cela? Quelle est donc l'expiation pour celui en qui vient cette idée? Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu dises, Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Oh Allah, il n'y a pas de bien si ce n'est le tien. Et il n'y a pas d'augure, car il ne se passe que ce que tu décrètes. Et il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré si ce n'est toi. On va revenir sur les termes de cette invocation, inshallah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, et il rapporte aussi, c'est-à-dire l'imam Ahmed, rahimahullah, dans le hadith d'Al-Fadl ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, l'augure est ce qui te pousse à continuer ton projet ou l'abandonner. Donc on voit à travers ce hadith, qu'est-ce qui est blâmable dans la croyance aux augures? C'est qu'une chose que tu vois, un animal, une personne, un événement, ou autre chose semblable, te pousse à continuer un projet ou l'abandonner. C'est cela qui est du polythéisme. Tu veux voyager, tu sors de chez toi, Tu vois un corbeau, tu vois un chat noir, ou tu vois une personne souffrant de malformations. Alors tu penses que ce voyage n'est pas une bonne idée, et tu rentres chez toi. Ceci relève de la croyance aux augures et relève du polythéisme qui s'oppose au tawhid. Donc ce qui est obligatoire pour toi, lorsqu'une idée de cette sorte te passe par la tête, c'est que tu la répugnes, que tu réprouves cette idée, que tu la rejettes, que tu la repousses, et que tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et continues d'accomplir ce que tu souhaitais entreprendre. On voit donc dans ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué trois remèdes contre cette croyance erronée. Le premier, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est la base. Car le bien et le mal ne proviennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui administre tout dans cet univers. Donc celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, les augures, elles ne lui nuiront en rien. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Le deuxième remède, c'est que tu ne tiennes pas compte de ces augures, que tu les repousses, et que tu ne délaisses pas les projets que tu souhaitais entreprendre. Mais tu continues de faire ce que tu souhaitais accomplir, sans tenir compte de ces choses que tu as vues et qui t'ont laissé penser à un mauvais présage. Et le troisième remède, qui est très important également, c'est l'invocation. Que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par ces invocations que nous a enseignées le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première qui est de dire Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yadfa'u sayyi'at illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ceci est une invocation immense, dans laquelle tu reconnais que celui qui vient avec les bonnes choses et repousse les mauvaises, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah peut venir avec le bien, et seul Allah peut repousser de toi le mal, et non pas les augures. Et tu reconnais dans cette invocation que la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'une situation à une autre, et qu'il n'est pas possible d'avoir la force d'accomplir une chose, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que une situation, elle peut passer de bonne à mauvaise, ou de mauvaise à bonne, que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme, il ne peut avoir la force d'accomplir un projet et de le concrétiser que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens de cette parole. La deuxième invocation, qui est venue dans l'autre hadith, est Allahumma la khayra illa khayruk. C'est-à-dire, il n'y a pas de bien pour Allah si ce n'est le tien. Nul ne peut apporter le bien si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tayra illa tayruk. Et il n'y a pas d'augure, c'est-à-dire rien ne peut m'atteindre si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son décret et sa volonté, et ce, en raison de nos péchés. Wala ilaha ghayruk, et il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de toi. Ceci est une manière de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de renier le shirk. Ceci sont donc les trois remèdes utiles et nécessaires pour le croyant afin de rejeter ces idées qui peuvent lui passer par la tête et lui laissant penser de mauvais présages, de placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de continuer ce que tu souhaitais entreprendre et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ces invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. On a donc terminé avec ce chapitre et on verra dans le cours prochain, inshallah ta'ala, le chapitre au sujet de l'astrologie. Wa sallallahu wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم